1. Je connais tes parents. 2. Tu sais écrire son nom. 3. Ton père connaît mon adresse. 4. Je sais où ton frère habite. 5. Ma sœur sait faire la cuisine. 6. Mes cousins connaissent ta maison. 7. Ses sœurs savent quand il arrive. 8. Sa tante connaît mes grands-parents.